vous allez voir, ce que vous allez voir. Il se commande une andouillette et positionne ses hommes au comptoir. Maigret est en piste, à lui de jouer. La justice est en marche, les dés sont lancés. Dans son cerveau embué jaillissent les prémices d'une idée. Bien sûr, c'est un petit gamet que je vois avec le coulommier. Ce n'est pas tout ça, mais quand faut y aller, il faut y aller. Allez, remettez-nous ça. Ça s'est drôlement rafraîchi, on dirait. Wow, Maigret est en piste, à lui de jouer. La justice est en marche, les dés sont lancés. Si j'ai l'air de me moquer, sachez que j'ai le plus profond respect pour celui qui, dans la même journée, combat le crime et le mauvais rosé. À lui de jouer. La justice est en marche, les dés sont lancés. Et le perdant y va de sa tournée. Maigret est en piste. Maigret est en piste. Non, pas cette table, mais ceci réservé.